à Sita. Pour l'écouter, 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, une étude confirme les méfaits d'une écoute excessive de la télé en bas âge. Mais comme il n'y a pas encore eu d'étude sur la radio, faites-leur écouter, c'est fou. Bonjour les enfants. Dans Segment Geek CLX, la reconnaissance faciale pour détecter l'ennui chez les étudiants. J'ai pensé à essayer un détecteur sonore pour savoir quand vous vous ennuyez et on va émettre un gros bip en onde. Et dans Merci Science, on pourrait bientôt lire un livre sans l'ouvrir. On Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui émet un bip quand il s'endort. Bip! Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante. Et Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, dans l'émission de la semaine 19 septembre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologies et médecine, merci science, ainsi que le segment geek à Cynix. Alors, on va commencer avec Television dans quelques instants, mais avant ça, une pièce de musique chiptune, donc créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirée par les jeux vidéo. Et on commence avec une pièce de l'album Somewhere Something Incredible par Alone and the Universe. Voici une chanson de chiptune avec de la voix dessus, comme on aime jouer une fois de temps en temps. Elle s'appelle And Everything in It. Tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89 FM. We looked up and out straight through the night. Here they are. La pièce And Everything In It par Pterodactyl Squad sur l'album Somewhere Something Incredible, un album qu'on peut se procurer sur le Bandcamp de Pterodactyl Squad. Oui, voilà. Toujours Mathieu Plancho maintenant. C'est Television Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On n'a rien au Québec. En fait, c'est une très petite semaine pour l'émission en général, côté nouvelles. Donc, on saute au Québec, on s'en va au Canada pour regarder le premier débat présidentiel américain à la télé en français. C'est un peu bizarre, hein? Donc, le très attendu premier débat opposant les candidats démocrates et républicains à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton et un certain Donald Trump, sera présenté le lundi 26 septembre prochain et diffusé en direct sur ICI RDI dans le cadre d'une émission spéciale qui débutera à 20h. Le débat se déroulera de 21h à 22h30 à l'Université Hofstra de Hampstead dans l'État de New York et le modérateur sera Lester Holt, le chef d'antenne du journal télé du réseau NBC. Patrice Roy va animer l'émission spéciale en compagnie des analystes Michel Séauger et John Pericella et de deux chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, Raphaël Jacob et Karine Prémont. Patrice Roy s'entretiendra oui aussi avec leur correspondant aux États-Unis, Christian Latreille, sur place à l'Université Hofstra. Au cours de la première heure, oui, on va faire un bilan de la campagne présidentielle à ce jour en identifiant les enjeux qui seront au cœur du débat et les attentes envers les candidats. Patrice Roy et les invités seront de retour à 22h30 pour analyser la prestation des candidats dans le débat et ce que celui-ci représente pour la suite de la campagne. J'imagine qu'il va y avoir des voix francophones attitrées à ces deux candidats. J'espère aussi qu'ils vont faire de la rectification de faits par rapport aux deux, mais principalement de Donald Trump, qui, je pense, a sûrement un pourcentage de 90-quelques % de mensonges jusqu'à maintenant. Ensuite, Jeopardy confirme le retour des applications canadiennes à l'émission Jeopardy, où ça faisait quelques temps qu'on ne pouvait pas... Sur le Huffington Post, là, c'est rendu que la vidéo suit ta souris ou je sais pas trop quoi, ça va dans le coin de l'écran, c'est assez agressant. Bref, les Canadiens sont de retour à Jeopardy sur la scène de Alex Trebek. Après une saison à ne pas avoir pu appliquer pour être participant à l'émission, les gens qui s'occupent de ça confirment qu'on est de nouveau éligible pour participer à ce quiz vétéran de la télévision américaine. Donc, ils ont sorti un communiqué de presse avec une réaction de Trebek qui est lui-même citoyen canadien. C'est bien ça, citoyen canadien? Oui, exactement. Né au Canada, né en fait à Sudbury, en Ontario. Il y avait un problème avec les enregistrements de l'émission, mais les enregistrements, les formulaires, etc., pour pouvoir participer à l'émission. Donc, il a hâte de voir ses collègues, ses concitoyens canadiens participer. On ne sait pas encore quel était le problème. On dit que c'est un problème qui n'est pas encore sorti. C'est un changement aux lois de vie privée canadienne, apparemment, du gouvernement conservateur, le gouvernement précédent, qui aurait joué un rôle par rapport aux enregistrements des Canadiens à l'émission. Tous les participants à Jeopardy, ceux qui appliquent pour participer, vont devoir faire un test en ligne. Et les lois anti-spam du Canada qui sont entrées en fonction en 2014 affectaient les informations qui pouvaient être partagées sur Internet. Donc, ça a rapport avec tout ça. Ils ont dû retirer la possibilité pour les Canadiens. Environ 23 millions de personnes regardent l'émission de façon hebdomadaire selon CBS. Toujours aux États-Unis, Sofia Vergara est encore une fois l'actrice télé la mieux payée au monde. S'il y a bien quelque chose que je ne comprends pas, c'est bien l'engouement autour de cette femme. Donc, c'est l'américano-colombienne Sofia Vergara, star de la sitcom Une famille moderne, Modern Family, qui reste pour la cinquième année d'affilée l'actrice de télévision la mieux payée au monde, avec 43 millions de dollars empochés l'an dernier, selon un classement du magazine Forbes. Si le rôle de Sofia Vergara dans la série comique ont fait d'elle l'une des célébrités les plus populaires au monde, ce sont surtout les contrats publicitaires et de licences, notamment pour un shampoing anti-pelliculaire, qui l'ont propulsé au sommet du classement. La comédienne de 44 ans qui a gagné plus d'argent que toute star masculine du petit écran est suivie par Kelly Cuoco de The Big Bang Theory. Elle a 30 ans. Elle a gagné 24,5 millions de dollars sur les 12 mois qui se sont terminés en juin. Presque deux fois moins que Sofia Vergara. Mindy Kaling, 37 ans, vedette de la série The Mindy Project, a bondi de la 8e à la 3e place, ce qui est quand même fort pour une série, en passant Mindy Project, qui est dorénavant sur Hulu. Donc c'est même pas la télé en tant que telle. Elle est en 3e place, 15 millions de dollars. Ellen Pompeo de Grey's Anatomy et Mariska Hargitay de Law & Order Special Victims Unit. Donc, les deux séries sont... voyons, Dr. Grey, leçon d'anatomie, oui, et la loi à l'ordre, unité des victimes spéciales, ça, crime sexuel. Donc, son quatrième en ex-aequo avec des revenus de 14,5 millions de dollars. Et Kerry Washington de Scandal suit avec 13,5 millions. Puis la Canadienne Stana Katic, vedette de Castle avec 12 millions. La star de Bollywood, Priyanka Chopra, qui incarne une agent de la police fédérale du FBI, donc dans la série criminelle Quantico, entre pour la première fois dans le top 10, s'insérant à la 8e place avec 11 millions de dollars. Star de la saga judiciaire qui vient de se terminer, The Good Wife, une femme exemplaire, Julianna Margulies, est en 9e place avec 10,5. Julie Bowen, qui joue aux côtés de Sofia Vergara dans Modern Family, ferme le top 10 avec 10 millions. Voilà, donc c'est les vedettes les mieux payées de la télé. Il y a aussi les vedettes du cinéma qui sont dans l'article sur assemblagerequis.com, mais on ne couvre pas le cinéma ici. Timbaland quitte la série Empire. La bande-son de Empire, le drame musical du réseau Fox, devrait quelque peu être modifiée dans la troisième saison, avec le départ de son producteur et compositeur Timbaland, a fait savoir Billboard. Présent depuis le début de la série, créé par Lee Daniels et Danny Strong en 2015, Timbaland sera remplacé de la troisième saison par Ronnie Jerkins et Esther Dean, un duo qui a composé et produit Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry et Nicki Minaj. Oh, les gros noms! La série à succès reviendra pour une troisième saison avec de nombreux invités comme Mariah Carey et French Montana, notamment le 21 septembre, donc ce soir pour les gens qui nous écoutent en direct. Maintenant, on va à l'international. L'avenir de la BBC se dessinera demain pour nous en direct, donc jeudi. Depuis quelques jours, c'est le drame national au Royaume-Uni. Le meilleur pâtissier, une émission culinaire phare de la BBC, passe à la concurrence privée, aux grandes dames des fans, mais aussi de la chaîne publique qui devait en outre découvrir les nouveaux objectifs concoctés par le gouvernement demain, donc jeudi. L'annonce que The Great British Bake Off allait passer sur la chaîne privée Channel 4 a créé un tel choc qu'elle a éclipsé dans les médias le retrait de la vie politique de David Cameron. Même le prince William s'est joint au cortège des endeuillés en disant, je cite, « Vous devez être désespérés », a-t-il lancé à de jeunes Britanniques lors d'une visite à un club de loisirs. L'émission qui réunit 15 millions de téléspectateurs devant le petit écran est devenue une institution au Royaume-Uni dont l'appétit pour tout ce qui touche à la cuisine, aux casseroles et aux grands chefs semble insatiable. La BBC aurait aimé garder son fleuron, mais la société de production a estimé que la BIB, donc la BBC, en offrant 10 millions de livres, donc 17 millions de dollars canadiens, par an, selon la presse, était loin du compte et elle a préféré l'offre de Channel 4 deux fois et demi supérieure. Le plus grand groupe audiovisuel public du monde, qui a supprimé des milliers d'emplois ces dernières années, ne pouvait renchérir sous pression aussi du gouvernement qui le somme de privilégier la qualité sur l'audimat. Les codes d'écoute. Engagée depuis 2010 dans un plan d'économie de 700 millions de livres, la BBC doit faire face à l'érosion de sa principale source de revenus, qui est la redevance annuelle de 145,50 livres, donc 252 dollars payés par tous les foyers britanniques possédant une télé et qui représente 3,7 milliards de livres par année. Je cite, on demande à la BBC de faire plus avec moins, déplore une ancienne responsable de BBC One, Lorraine Agassi, la principale, donc, Lorraine Agassi, ancienne responsable de BBC One, la principale chaîne du groupe. Voilà. Donc, la perte de The Great British Bake Off suscite, selon elle, l'inquiétude quant à l'avenir de l'une de nos institutions les plus sacrées, dit-elle, dans le Daily Mirror. D'autant que le drame culinaire intervient à un moment charnière puisque le gouvernement doit présenter la nouvelle charte royale, une feuille de route de la BBC pour les 11 prochaines années. Lorsqu'il était dirigé encore par David Cameron, le gouvernement avait présenté son projet de réforme le 12 mai dans un livre blanc. L'essentiel a été préservé puisque la redevance que certains ministres voulaient supprimer est garantie pendant au moins 11 ans de plus. Selon le livre blanc, la BBC, qui s'était inquiétée d'une ingérence trop importante de l'État, pourra également nommer au moins la moitié des membres de son conseil d'administration. La réforme prévoit par ailleurs la suppression de BBC Trust, remplacée par un nouveau conseil d'administration pour gérer les questions et les problèmes au jour le jour. Autre nouveauté, toutes les stars payées plus de 150 livres, donc 260 000 $ canadiens annuels, devraient voir leur rémunération rendue publique selon la charte présentée jeudi, contre un seuil de 450 000 livres ou 782 000 $ prévu dans le livre blanc. Plus d'une centaine de présentateurs et vedettes du petit écran seraient concernés, malgré les réticences de la BBC. La BIB craint que cela réveille l'appétit de la concurrence, qui verse généralement des salaires plus élevés, mais le gouvernement insiste sur l'impératif de transparence. Je cite, « Le public a le droit de savoir où va son argent », martèle une source gouvernementale. La présidente de la BBC, Rona Fairhead, a déjà annoncé que la réforme se fera sans elle. Madame Fairhead, nommée en octobre 2014 à la tête de la BBC Trust, avait reçu l'assurance de David Cameron de conserver ses fonctions au sein du futur conseil d'administration, mais la nouvelle chef du gouvernement britannique, Theresa May, a décidé de mettre en place un processus de sélection auquel elle a choisi de ne pas prendre part pour laisser ça entre les mains de quelqu'un qui n'est pas, qui est impartial. On va au Brésil maintenant. Un acteur de téléroman se noie pendant un tournage. Le populaire acteur brésilien Domingos Montaner, 54 ans, est décédé en se noyant dans le fleuve São Francisco sur les lieux du tournage d'un téléroman appelé un telenovela au Brésil, où son personnage frôlait justement la mort dans ce même fleuve, a annoncé le groupe Globo. Très connu au Brésil, Domingos Montaner jouait dans la série Velo Chico, diffusée sur une des chaînes de Globo et qui se déroule dans cette région du nord-est du pays, traversée par le fleuve. Après avoir tourné une scène dans la matinée puis mangé, l'acteur a décidé d'aller se baigner avec sa partenaire dans la série Camila Pitanga. Mais les deux ont été surpris par le courant. L'actrice a réussi à se réfugier sur un rocher, mais n'a pu retenir Domingos, qui s'est noyé. Quelques heures plus tard, les secouristes ont retrouvé son corps à 30 mètres de profondeur, coincé dans des rochers, selon le journal O Globo. La série met en scène les luttes du pouvoir entre deux familles de propriétaires terriens dans les années 70. Domingos Montaner interprétait Santo, qui dans un épisode disparaissait justement dans ce même fleuve, mais dans la fiction il finissait par être sauvé par une tribu indigène. Le décès de l'acteur, marié et père de trois enfants, a suscité une vive émotion au Brésil, où les telenovelas sont suivies chaque jour par des millions de téléspectateurs. C'est comme des dramatiques, mais en strip, qu'on appelle, donc quotidienne, 5 soirs semaine. Ensuite, on va sur Internet avec la sortie de Star Trek Discovery qui a été repoussée. Ouais. Très attendu, la série Star Trek Discovery ne sera pas diffusée en janvier 2017, comme initialement prévu, annoncent plusieurs médias spécialisés américains. CBS a reporté la série à mai, justifiant ce retard par le fait que la série mérite le meilleur. Ces quelques mois d'attente supplémentaires pourraient également être liés aux critiques subies lors de la présentation d'un premier aperçu en juillet dernier, pointant du doigt les effets spéciaux. Les dirigeants de CBS ont ainsi fait savoir que ce retard allait permettre de donner plus de temps à l'équipe créative pour répondre aux attentes de la série, notamment en matière d'effets spéciaux. Créée par Brian Fuller et Alex Kurtzman, la série sera proposée sur le service de streaming CBS All Access de CBS aux États-Unis, puis sur Netflix 24 heures après la diffusion américaine dans le reste du monde, sauf au Canada, si je me rappelle bien. On avait parlé de ça il y a quelques semaines à l'émission. On reste sur Internet où Rogers empêche la diffusion des matchs de la NFL sur Twitter au Canada. Le Canada est le seul marché où Twitter n'a pas l'autorisation de diffuser les matchs de la NFL de quelconque façon. Donc Twitter a annoncé qu'elle allait diffuser les matchs de la NFL, de la NBA et de la MLB gratuitement sur l'Apple TV et la Xbox One. Le communiqué était toutefois vague quant à la nature de ces diffusions, mentionnant simplement que la nouvelle application de Twitter allait pouvoir être téléchargée dans divers marchés, dont le Canada. Donc, récemment, une bien mauvaise nouvelle attendait les adeptes de football. Donc, comme l'a rapporté le Toronto Sun, il est hors de question pour Twitter de diffuser au pays les matchs de la NFL. Ses droits sont détenus exclusivement par Rogers. Même chose pour Star Trek qui est avec Bell. Donc, Rogers qui les exploite par le biais de sa chaîne spécialisée Sportsnet. Je cite, « Malheureusement, les fans de football canadiens ne seront pas en mesure de voir les matchs sur Twitter en raison des droits de diffusion locaux détenus par Rogers. » En avril, lorsque la NFL et Twitter avaient annoncé leur partenariat. Je cite encore, nous avons précisé que cet accord ne concernerait pas le marché canadien. Conformément à notre entente de licence avec la NFL, Sportsnet est le titulaire exclusif des droits canadiens à l'ensemble des matchs du jeudi de la NFL pour cette saison. Concrètement, ça signifie que au Canada, seuls les matchs de la NBA et de la MLB seront accessibles aux détenteurs de Apple TV et de Xbox One par le biais de l'application Twitter. Pour voir les matchs du jeudi de la NFL au Canada, les sportifs de salon devront être abonnés à Sportsnet ou encore à TVA Sports, dont les droits de diffusion sur le marché francophone lui ont été accordés par Rogers. Tout ça, évidemment, coûte un bon prix quand même, s'abonner à des chaînes de sport spécialisées. Que voulez-vous, hein? C'est comme ça, on protège nos droits. Hein? C'est normal, mais c'est plate. Et finalement, une étude confirme les méfaits d'une écoute excessive de télévision en bas âge. Laisser les jeunes enfants regarder la télé plus de 2 heures par jour augmente significativement le risque qu'ils vivent des relations sociales dysfonctionnelles au moment de l'adolescence, indique une étude longitudinale menée auprès d'enfants québécois. En analysant les renseignements obtenus sur 991 filles et 1006 garçons nés au Québec en 97 et suivis depuis leur naissance, la professeure Linda Pagani de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal avait précédemment révélé que parmi ses enfants, ceux qui avaient été abondamment exposés à la télévision sans supervision à l'âge de 2 ans et demi étaient, à la maternelle, plus souvent victimes de bousculades, de moqueries et de mesquineries que les autres élèves. Tout ça, on parle de ceiling, c'était une seule phrase dans l'article. La chercheuse avait également noté que le phénomène était toujours présent en deuxième année et en quatrième année. selon Mme Pagani, les résultats de l'étude qui vient d'être publiée dans la revue Psychological Medicine confirment les méfaits d'une écoute excessive de la télévision en bas âge sur le comportement social plus tard dans la vie, puisque ce sont les jeunes eux-mêmes, à leur âge de 13 ans, qui ont décrit leurs propres comportements antisociaux. Encore une fois, 5 lignes pour une phrase. Je cite, ces jeunes qui venaient de terminer leur première année de secondaire ont avoué être plus souvent victimes de bousculades, de moqueries et de mesquineries et ont révélé une préférence pour la solitude. Qui plus est, ces jeunes présentaient plus de comportements antisociaux comme vandaliser ou voler les biens d'autrui, mentir, tricher ou exclure une personne quand ils sont fâchés avec elle. Ils étaient aussi plus enclins à faire preuve d'agressivité proactive comme menacer les autres par la peur, encourager les autres à se moquer ou à embêter quelqu'un qu'ils n'aiment pas dans le but de dominer. Encore une fois, la description de Donald Trump. Et plus ces jeunes avaient passé de temps devant la télé à l'âge de 2 ans, plus ils étaient à risque de présenter un comportement social problématique à l'âge de 13 ans. Linda Pagani explique cette augmentation du risque par le fait que c'est durant la période postnatale que s'établissent les connexions entre les neurones du cerveau. Je cite, cette phase du développement concerne toutes les parties du cerveau, y compris le cerveau social, où survient un intense réseautage entre les neurones. Et pour que ce réseautage se fasse correctement, l'enfant doit expérimenter plein d'interactions sociales. Or, les jeunes enfants qui restent plusieurs heures devant la télé consacrent aussi ainsi moins de temps à des activités enrichissantes qui favorisent le développement des fonctions du cerveau social, lesquelles servent notamment à résoudre les problèmes interpersonnels et à réguler ses émotions. Dès la naissance, le cerveau des bébés cherche à établir un contact visuel avec les personnes qui les entourent. Je cite, « Le réseau neuronal qui les incite au contact visuel est présent, mais il a besoin d'être développé et entraîné par des interactions avec d'autres personnes. C'est par le contact visuel que nous traitons les informations sensorielles, socialement pertinentes et l'état d'esprit interne des personnes avec lesquelles on interagit. Or, trop de temps devant la télé diminue les occasions de contact visuel. » Donc souligne Mme Pagani qui déplore le fait qu'en Amérique du Nord, 50% des enfants mangent devant la télé, car le repas familial est une importante activité sociale qu'il faut absolument préserver. La chercheuse recommande aux parents de réduire le temps que leurs jeunes passent devant la télévision et de plutôt privilégier les jeux créatifs, les activités physiques de groupe et celles impliquant des conversations qui favoriseront un meilleur développement social de l'enfant et par conséquent une vie adulte plus saine. Car les auteurs de l'article rappellent que les adolescents qui vivent des interactions sociales dysfonctionnelles courent un plus grand risque de souffrir de dépression et d'avoir des problèmes socio-économiques comme le chômage à l'âge adulte. On apprend des choses dans cet article-là. Ça me fait penser que c'est un article d'études et que les études, d'habitude, c'est dans Merci Science. Donc, on va continuer avec la chronique Merci Science dans quelques instants au retour de cette grosse pub. Pub. On dit pas le mot pub ici, assez fou, hein? Parce qu'on veut que vous restiez à l'écoute. Donc, une pause musicale. On va entendre pour l'instant une pièce de Anna Malaguchi, un extrait récent de eux, Anna Malaguchi, qui sont ceux qui font la chanson thème du Mathieu Plante Show. Donc, je les aime vraiment très, très fort. Les voici avec la pièce Pop It. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou. Pop. I'm popped on your mind, feeling pretty good. Don't stop it, bitch, you in my way. Thank you so much, oh wow, okay. Pop it, see me on your screen. Sit back and watch, show you what I mean. Can't stop it, diddy diddy do. La la dee da, all because of you. So pop it, like a wheelie should. I'm up on your mind, feeling pretty good. Don't stop it, bitch, you in my way. Thank you so much, oh wow, okay. We'll be right back. pour l'écouter. C'est fou. .ca. 'Artiste australien Calavera avec la pièce Gentleman Swing, c'est la pièce de son maxi qui s'appelle pas mal Gentleman Swing. Alors ça c'était Almanaguchi avec Pop It, nouvelle extrait, mais un extrait récent depuis les derniers mois, barbecue année, je suis encore dans la vieille musique tube que j'ai téléchargé il y a super longtemps, mais ça resterait très bon. Et maintenant ben, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par des livres qu'on pourrait lire sans les ouvrir. C'est un peu bizarre. Encore, j'ai commencé la chronique de tantôt avec à peu près la même phrase. C'est un peu bizarre. Grâce au rayonnement terahertz, des chercheurs du MIT sont parvenus à lire les lettres inscrites sur chaque page d'une pile de 9 feuilles sans les toucher. Et ça grâce au fort pouvoir pénétrant du rayonnement terahertz. C'est ce qu'on dit moi aussi. Une innovation qui pourrait intéresser les spécialistes des livres anciens, mais aussi trouver des applications dans l'industrie de la pharmaceutique. Lire un livre sans avoir besoin de l'ouvrir. De prime abord, on s'interroge sur l'intérêt, mais parlez-en à un conservateur qui a la responsabilité de manuscrits anciens extrêmement fragiles. Il vous applaudira immédiatement. Aux États-Unis, donc, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et leurs collègues du Georgia Institute of Technology ont développé une technique d'imagerie qui leur a permis de lire les lettres imprimées sur un paquet de 9 feuilles superposées. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont eu recours à un rayonnement térahertz dont le fonctionnement est décrit dans un article paru dans Nature Communications. Il s'agit d'une bande de fréquences intermédiaires entre les fréquences radioélectriques, les micro-ondes et les fréquences optiques de l'infrarouge qui se caractérise par son fort pouvoir de pénétration. Ainsi, le rayonnement térahertz, je suis si mature. Ainsi, le rayonnement térahertz est capable de faire la distinction entre l'encre et le papier en jouant sur la capacité qu'ont les composants de l'encre à absorber différentes fréquences térahertz à des degrés variables, ce qui leur confère une signature spécifique. Deux algorithmes ont été spécialement développés pour traiter les données. Celui conçu au MIT se charge d'utiliser les différences d'absorption pour rendre les caractères les plus clairs possibles, tandis que celui du Georgia Tech a pour mission de reconnaître les lettres. Le prototype de caméra térahertz développé par ces chercheurs va émettre un rayonnement par rafale très courte, lesquels sont réfléchis par les capteurs intégrés par les minuscules poches d'air qui sont piégées entre chacune des pages. La caméra parvient alors à déterminer la distance par rapport à chaque page en mesurant la différence entre le délai d'émission du rayonnement et le temps que le signal met à lui revenir. C'est cela qui lui sert à distinguer le bruit des véritables radiations. Pour le moment, le dispositif ne peut pas lire au-delà d'une pile de 9 pages, car le signal réfléchi devient ensuite trop faible. L'équipe prévoit améliorer les performances en augmentant notamment la puissance du rayonnement térahertz. Selon le MIT, le Metropolitan Museum de New York a d'ores et déjà fait part de son intérêt pour cette technologie, qui pourrait servir à consulter des livres anciens sans avoir à les manipuler. Par ailleurs, les chercheurs assurent que leur caméra et ses algorithmes auraient la capacité d'analyser n'importe quel matériau organisé en couches fines, tels que les revêtements de certaines pièces détachées ou médicaments. Des pièces détachées, c'est ça. Tu sais, Assemblage Rocky, le petit slogan, là, l'émission en pièces détachées, là. On m'a demandé récemment pour le Zone Campus qu'est-ce que ça voulait dire. Ben, des pièces détachées, c'est des pièces détachées, hein? Des meubles à monter, hein? Des trucs comme ça. Ensuite, champion d'échecs, une question d'intelligence, pas que d'entraînement. Oui, il y a bien de l'entraînement aux échecs. Donc, l'entraînement est-il suffisant pour devenir un bon joueur d'échecs? Eh bien, non, affirment des chercheurs venus de 3 pays qui ont réalisé une méta-analyse englobant 1800 personnes. Les bons résultats à ce jeu sont corrélés à de bonnes performances dans les tests cognitifs, constate-t-il. La question de la relation entre intelligence et talent au jeu d'échecs est posée depuis longtemps. Le Hongrois Laszlo Polgár s'est imposé dans le débat d'une manière originale. Ce théoricien des échecs a éduqué ses 3 filles nées à la fin des années 70 avec un entraînement intensif, entendant démontrer ainsi que le génie n'est pas inné à ce jeu comme ailleurs. De fait, Susan, Judith sans le H, Judith et Sophia sont toutes 3 devenues championnes. Judith Polgár, qui a quitté la compétition en 2014, est même considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps. La conclusion du travail d'Alexander Burgoyne de l'Université du Michigan et de ses collègues, dont un Australien et un Britannique, est inverse. Dans un article publié dans la revue Intelligence, il montre une corrélation élevée entre les réussites à des tests d'intelligence et le classement aux échecs. Les chercheurs ont réalisé une méta-analyse. Ils ont donc passé en revue des études déjà effectuées sur cette question. En l'occurrence, 19 concernant 1800... Pardon. Attends, ils ont donc passé en revue des études, OK, déjà effectuées sur cette question, donc 19, concernant 1800 personnes. Selon eux, le classement ELO aux échecs est significativement corrélé à, en particulier, la mémoire à court terme, la rapidité de raisonnement, l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Elles sont en revanche moins bien liées à l'habileté verbale, visuelle ou numérique. Les corrélations de plus sont meilleures avec les jeunes joueurs et ceux de niveau faible, ce qui s'expliquerait par le simple fait que les meilleurs compétiteurs constituent une population déjà sélectionnée. Dans le communiqué de l'Université du Michigan, les auteurs expliquent que le résultat serait le même pour la taille des joueurs de basketball. Chez les professionnels, elle influe peu sur les performances car ils sont tous grands. Corrélation ne signifiant pas relation de cause à effet, on peut se demander si la pratique du jeu d'échecs pourrait développer l'intelligence. Par ailleurs, les mesures quantitatives d'intelligence n'étant pas d'une fiabilité irréprochable, on pourrait émettre des réserves sur les conclusions. Mais le travail a le mérite de montrer pour la première fois qu'un bon joueur d'échecs réussit bien les tests d'intelligence. Maintenant, on parle de tissus, de textiles intelligents, des vêtements qui génèrent de l'électricité. Un vêtement pourrait produire de l'électricité en tirant son énergie à la fois des mouvements du corps et de la lumière du soleil. L'innovation reste encore au stade du laboratoire, mais elle progresse. Des chercheurs du Georgia Tech aux États-Unis avaient réussi il y a quelques années à transformer un tissu en générateur modeste d'électricité, tirant son énergie du mouvement. La même équipe vient d'ajouter à ce textile des matériaux photovoltaïques souples appliqués sur les fibres du tissu, en polymère habituellement utilisé, donc précise-t-il. Au laboratoire, ils ont tissé ces fibres et obtenu un générateur miniature expérimental de 4 par 5 cm. Selon eux, il serait possible de rendre un vêtement capable de charger la batterie d'un appareil mobile. Ces scientifiques ne sont pas les seuls à explorer ces technologies. En 2014, par exemple, une équipe de Corée du Sud avait présenté un prototype de générateur électrique tirant son énergie de la chaleur du corps. Vous pouvez voir un article qui date de 2008 à ce sujet-là sur assemblagerequis.com. Est-ce qu'on aura bientôt des bébés sans maman? Nous demandons. Les chercheurs ont obtenu des bébés souris sans passer par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Cette expérience, qui consiste à injecter un spermatozoïde dans un embryon haploïde, fait l'objet de nombreuses spéculations sur ses applications. On se demande si on se passait, de mère biologique. En général, au début de la vie, tout commence par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ces deux cellules différenciées passent alors par des processus qui vont leur permettre de donner des cellules totipotentes. Capable de fournir toutes les cellules de l'embryon. On parle donc de l'ovule et le spermatozoïde qui sont reprogrammés pour qu'ils n'aillent pas vers une mort certaine, mais vers la totipotence. Jusqu'à présent, seul un ovocyte pouvait reprogrammer un spermatozoïde en cellule totipotente. Mais voilà que les chercheurs des universités de Bath au Royaume-Uni et de Ratisbonne en Allemagne, présentent dans Nature Communications une expérience inédite dans laquelle des spermatozoïdes sont reprogrammés par d'autres cellules que des ovocytes, des embryons. Partenogénotes. Il s'agit en effet d'ovocytes non fécondés, manipulés pour se développer en embryon. Habituellement, un tel embryon parthénogénote ne survit pas plus que quelques jours, car les processus clés de son développement nécessitent l'entrée d'un spermatozoïde. Les scientifiques ont donc injecté un spermatozoïde dans un embryon parthénogénote haploïde. On met les deux expressions difficiles à dire ensemble, parthénogénote haploïde, afin qu'il donne un bébé souris en bonne santé. Résultat, un taux de réussite de 24%, bien plus élevé que les 2% obtenus dans un clonage avec transfert de noyau, ou les 0% du parthénogénote qui ne donne jamais de bébé viable. Les bébés souris étaient en bonne santé, mais leur ADN avait des marqueurs épigénétiques, donc histones modifiés, différents de ceux obtenus avec une fécondation classique. Ce remodelage épigénétique du génome est indispensable pour le développement normal d'un embryon. Ce travail suggère donc que la reprogrammation induite par l'entrée du spermatozoïde suffit au développement d'un embryon viable. Il existerait une certaine plasticité dans la reprogrammation de cellules différenciées, ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes, et différentes voies épigénétiques permettant d'arriver à une cellule totipotente. Pour faire ces expériences-là, les chercheurs sont partis d'ovocytes de souris femelles qui ont été stimulés pour se développer en parthénogénote haploïde. Il y avait bien donc des mamans souris, mais le fait qu'il ne s'agisse pas d'une fécondation, mais bien de l'injection d'un spermatozoïde dans un embryon parthénogénote haploïde pose des questions éthiques. Si un parthénogénote peut être obtenu à partir d'autres cellules que des ovocytes, pourquoi pas d'un embryon sans maman? Dans un futur lointain, pourra-t-on obtenir un animal viable à partir d'un spermatozoïde et d'une cellule qui ne serait pas un ovocyte? Eh bien, il pourrait y avoir des applications pour traiter l'infertilité ou encore pour préserver des espèces en danger. Maintenant, une incroyable innovation, des générateurs électriques à base d'écailles de poisson. Préparées, des écailles de poisson formées de millions de fibres de collagène exhibent des propriétés piézoélectriques. Elles produisent du courant quand elles se déforment sous l'effet d'un bruit, du vent ou d'un mouvement. Voilà donc, démontré à deux chercheurs indiens comment réaliser des nanogénérateurs biocompatibles qui pourraient alimenter des systèmes médicaux implantés comme des stimulateurs cardiaques. Depuis longtemps, des physiciens du monde entier cherchent le moyen de réaliser des générateurs d'électricité miniatures pour alimenter des appareils nomades ou implantés dans le corps. De nombreux prototypes ont été réalisés captant la lumière, la chaleur ou les vibrations par effet piézoélectrique. Effet piézoélectrique, c'est quand une déformation mécanique produit une tension. Force est de constater que le résultat reste encore médiocre avec des puissances faibles et des coûts de fabrication élevés. Donc, deux chercheurs indiens, Sujoy Kumar Ghosh et Deepankar Mandal de l'université Jalapur, ont peut-être changé la donne en prenant comme matière première les écailles récupérées parmi les déchets d'un atelier de préparation du poisson. Oh, fish and chips. Donc, pourquoi une telle idée? Eh bien, parce que les nanofibres de collagène, une protéine bien connue de tous les animaux de la Terre, ils sont alignés et présentent de ce fait des propriétés piézoélectriques. Un matériau confectionné par une nanotechnologie naturelle, en somme, et qui plus est, bon marché. Dans un article de la revue Applied Physics Letters, ces deux scientifiques rapportent leurs résultats après un traitement des écailles consistant en une déminéralisation. Des petits pots de beurre rizuré. Donc, une déminéralisation qui les rend transparentes. Les propriétés électriques ont été observées de près par spectrométrie X et les chercheurs ont découvert un comportement avec une polarité stable. Ces écailles transparentes génèrent de l'électricité quand elles sont déformées ou qu'elles vibrent sous l'effet d'un son ou du vent. Le duo indien a mesuré une tension allant jusqu'à 4 volts par écaille et un débit de courant jusqu'à 1,5 microampères. La puissance ainsi disponible est de 1,14 microwatts par centimètre carré, obtenue sous une compression de 0,17 c'est des pascals, mais le M est majuscule, mégapascal peut-être. Pour visualiser les applications possibles de ce nanogénérateur, les chercheurs ont connecté 4 écailles en série. Produisant une tension de 14 volts, elles ont pu allumer plus de 50 LED bleus, comme le montre l'illustration en haut d'article sur assemblagerequis.com. Tout à fait expérimental, ce générateur original ne pourrait pas alimenter nos smartphones, toujours gourmands en énergie. En revanche, le principe a de quoi intéresser le secteur médical, toujours à la recherche de sources d'alimentation pour les dispositifs électroniques implantables dans le corps et pour les MEMS, les MEMS, MEMS qui veut dire une mémoire vive mécanique sans transistor. Injecté dans le sang, imaginé pour transporter des molécules ou effectuer des mesures telles que des sous-marins miniatures. Un tel nanogénérateur pourrait alors leur fournir de l'électricité grâce au seul mouvement du corps ou du cœur pour un stimulateur cardiaque. Et ben. Maintenant, on parle de biomimétisme des toiles d'araignée pour isoler du bruit. Résistance et élasticité exceptionnelles, les propriétés étonnantes de la soie que fabriquent les araignées intéressent depuis longtemps les scientifiques et les ingénieurs. Aujourd'hui, ils étudient avec... Ils étudient aussi leurs interactions avec les ondes, qu'elles soient lumineuses ou sonores. Et après qu'une équipe a proposé d'utiliser du fil d'araignée comme capteur optique, voilà qu'une autre équipe suggère de s'inspirer des toiles d'araignée pour nous isoler du bruit. C'est alors qu'ils travaillent sur la question de l'atténuation et de la manipulation des ondes que des chercheurs européens qui viennent d'Italie, de France et du Royaume-Uni ont eu l'idée de s'intéresser non plus à la soie d'araignée, mais à la structure des toiles tissées par ces petites bêtes. Car il se trouve que les toiles d'araignée sont capables d'atténuer et même d'absorber les vibrations dans de larges gammes de fréquences. Les propriétés acoustiques de la toile d'araignée sont le fait au moins pour partie de son architecture en anneaux concentriques. Ces anneaux entrent en résonance à une fréquence particulière quand elles sont exposées à des vibrations. Sur la base de cette architecture naturelle, nos chercheurs ont conçu un métamatériau tout à fait original. Ce type de matériau composite présente en effet une structure périodique faite dans le cas présent d'unités carrées contenant des anneaux de résonance soutenus par des liens qui rayonnent vers l'extérieur à partir de leur centre, de quoi obtenir un métamatériau intrinsèquement accordable. Si les chercheurs espèrent maintenant comprendre un peu mieux les mécanismes qui donnent aux toiles d'araignée des propriétés aussi intéressantes, ils envisagent d'ores et déjà d'utiliser ce nouveau type de métamatériau pour atténuer des ondes sonores et ainsi nous isoler plus efficacement, par exemple, des bruits générés par les routes ou encore par les rails. Et c'est un autre type d'onde qui s'était C'est à un autre type d'onde que s'est intéressé il y a quelques mois déjà un groupe de réflexion de l'Agence spatiale européenne. L'idée est de remplacer les fibres optiques classiques en verre par des fils de soie produits par les araignées. Ces fils sont en effet parfaitement cylindriques, réguliers, transparents et d'une très grande solidité. Une équipe de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, spécialisée dans les capteurs optiques de substances chimiques utilisant des fibres optiques, s'est saisie du projet. Rappelons que pour détecter un gaz, il existe deux grandes catégories de solutions, la détection chimique, au cours de laquelle il y a interaction chimique entre le gaz à détecter et le capteur, et la détection optique. Dans ce dernier cas, un rayon lumineux est utilisé pour sonder les caractéristiques optiques du gaz à détecter. Les capteurs optiques exploitent par exemple un changement d'intensité ou de phase du rayon lumineux, et les fibres optiques peuvent alors jouer un rôle de simple moyen de transmission des informations, ou bien un rôle plus complexe si elles intègrent le capteur. Les fils d'araignée, quant à eux, sont à la fois d'une solidité et d'une élasticité exceptionnelle, à tel point qu'ils ont longtemps été considérés comme les matériaux les plus solides du monde, avant d'être récemment détrônés par les dents de Patel. Leur résistance a un impact. C'est la différence avec un accent grave. Donc la différence... leur résistance a un... non. OK. Dernière fois. Leur résistance a un impact est toutefois supérieure à celle du Kevlar. des caractéristiques qui suscitent depuis longtemps l'intérêt des chercheurs qui lui ont déjà imaginé bon nombre d'applications comme gilet pare-balles, câbles de suspension et même tendons, ligaments ou points de suture, car la toile, la soie d'araignée est aussi biocompatible. Donc on s'entend que la résistance a un impact et toutefois supérieur, et non pas la résistance a un impact. Hein? Eh boy, le français, hein. Et pour terminer, du soleil pour produire efficacement de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, la principale utilisation de l'hydrogène reste industrielle, que ce soit la chimie, le raffinage, etc. Mais demain, il pourrait jouer un rôle majeur dans notre paysage énergétique, surtout si les chercheurs parviennent à optimiser et à rendre plus verts les procédés de production. Et c'est justement la voie qu'une équipe américaine annonce avoir ouverte. Il existe différents moyens de produire de l'hydrogène, notamment l'électrolyse, qui revient à décomposer de l'eau en oxygène et en hydrogène, donc l'H2O et le O2 en hydrogène, qui est le H2. C'est d'ailleurs l'une des briques de la réaction de la photosynthèse. Réaction de photosynthèse. Dans l'industrie, donc, on utilise habituellement un courant électrique pour décomposer l'eau. Et si cette électricité est produite à partir d'une énergie renouvelable, comme l'énergie solaire, alors l'hydrogène obtenu peut être classé du côté des énergies vertes. Dans la réalité, malheureusement, les choses sont moins simples que sur le papier, notamment parce que les réactions en jeu dans l'électrolyse sont lentes, très très lentes, ce qui rend le procédé économiquement très peu compétitif. Des chercheurs de l'Université de Stanford et du SLAC, le SLAC National Accelerator Laboratory, sont partis en quête d'un catalyseur qui pourrait accélérer les réactions. Grâce à des simulations informatiques, ils ont pu concevoir un oxyde de strontium et d'iridium, un élément rare susceptible de répondre à leurs besoins. Alors, grande surprise, ce catalyseur s'est révélé plus efficace que prévu. Ses performances se sont même améliorées pour atteindre des vitesses de réaction jusqu'à 100 fois supérieures à celles des catalyseurs classiques durant les deux premières heures d'utilisation. Pendant cette phase, un processus de corrosion a libéré les atomes de strontium dans le liquide. En quittant le métal, ces atomes ont laissé derrière eux un film d'oxyde d'iridium de seulement quelques atomes d'épaisseur. Et justement, ce film allégé est beaucoup plus efficace que le catalyseur initial. Reste maintenant à comprendre les mécanismes précis de ce phénomène et à réduire encore la quantité d'iridium utilisée pour que ce catalyseur devienne réellement intéressant d'un point de vue économique. Voilà pour Merci Science. Merci Science. Il nous reste encore la chronique CNX, le segment Geek, mais pour l'instant, on continue en musique chiptune, c'est-à-dire inspiré par le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est pas mal plus inspiré, quoique... tantôt, on avait eu plusieurs pièces créées à partir de jeux vidéo, d'une console de jeux vidéo, pardon, dont à partir de Game Boy. Dans ce cas-ci, on écoute la pièce Television sur l'album Pop Ramen par Love Hurts, un de mes artistes fétiches juste à cause du nom. Et Love Hurts, en passant, c'est un supergroupe avec des bands de Austin au Texas, donc on parle de Chalkboards et de Hashtag YOLO Swag, qu'on a déjà entendu ici à l'émission. Donc une combinaison de mélodies cheap et de musique par guitare, drum et ukulélé jouée en performance live. C'est vraiment cool, donc l'album s'appelle Pop Ramen et voici la pièce Television de Love Hurts, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.5. Vous êtes assez fans pour l'écouter. 89.1. Popular ou encore Doc Pop, gars de la côte ouest, un heureux rocker, sa pièce Rum Springa de l'album Destroy All Presets. Vidéoclip avec lui qui est en train de courir après une cassette de Game Boy perdue. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et avant la pause, c'était Television par Love Hurts sur l'album Pop Ramen ou Raymond. Voilà, maintenant c'est le segment geek, c'est Elix. CX, c'est la chronique technologique, j'irai informatique, peut-être même vidéoludique vers la fin, et on commence avec des nouvelles du futur, comme toujours. Je vous présente une jolie jeune écolière japonaise qui n'existe pas, malheureusement. Donc, le monde a découvert il y a un an, Saya, la jeune fille qu'on voit en photo sur assemblagerequis.com, une écolière japonaise ravissante, sauf qu'elle n'existe pas. Hein? Pas de panique, si vous comprenez pas ce que ça veut dire. Yuka et Teruyuki Ishikawa ont impressionné tout le monde, tout le pays. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu encore parler tant que ça ici, mais au Japon. Donc, ça a impressionné tout le pays après une révélation. Saya a été créée de toutes pièces par les artistes autodidactes qui ont conçu un cliché 3D sur leur temps libre. Le résultat est à la hauteur des attentes les plus folles et on imagine le nombre d'heures qui ont été nécessaires à la conception de cette adolescente numérique. Pourquoi Saya refait-elle parler d'elle maintenant? Eh bien, de nouveaux clichés ont été publiés sur Twitter il y a quelques jours. Ce n'est qu'un avant-goût. Saya va désormais s'animer au sein d'une exposition cet automne. Le processus de capture du mouvement ayant été achevé le mois dernier. Les images générées par ordinateur sont très époustouflantes jusqu'à pouvoir observer une réflexion parfaite dans ses yeux. Brrr. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Je trouve qu'elle a l'air un petit peu lustrée, un petit peu, latex style sur sa peau pour avoir l'air si vrai que ça. Mais bon, j'imagine que, comme on m'a dit que c'était faux, maintenant je sais que c'est faux. Peut-être que si on ne m'avait pas dit, j'aurais pas vu la différence. Ensuite, souffler dans le ballon pour détecter le cannabis, c'est possible. Les éthylotests sont aujourd'hui le moyen le plus rapide et le moins coûteux d'évaluer son taux d'alcool dans le sang. Pratique avant de prendre la route, mais comment faire si on veut connaître son taux d'une autre substance, comme le cannabis, qui est légal dans certains pays et certains États américains, mais interdit si vous conduisez. Des chercheurs de l'Université de Stanford ont mis au point une version dérivée de l'éthylotest classique, laquelle mesure le taux de THC dans le corps. Au cas où vous ne le savez pas, certaines drogues laissent des traces durant une longue période, et pour le THC, ça peut aller jusqu'à un mois. Le Potalyzer, référence au breathalyzer américain, est développé par l'équipe du Dr. Sean Wang, et qui utilise un biocapteur magnétique, plusieurs biocapteurs magnétiques, pour détecter les molécules de THC présentes dans votre salive. Cet échantillon de salive sera alors mélangé avec les anticorps liés aux molécules de THC et utilisé comme marqueur. Le tout est ensuite placé sur un appareil pour déterminer la concentration de THC dans le corps selon le nombre d'anticorps liés au THC sur la bande test. Ça signifie que même si techniquement vous avez encore du THC dans votre organisme, sa concentration pourrait être suffisamment faible pour ne pas altérer votre jugement. Cependant, comme le précise l'équipe du projet, une limite légale devra être déterminée plus tard par les États ou par le pays, ce que font certains et d'autres pas. Les verra-t-on bientôt au bord de nos routes. La reconnaissance faciale maintenant pour détecter l'ennui chez les étudiants. La reconnaissance faciale est une technologie qui existe depuis de nombreuses années. Ses applications sont multiples et variées et il en reste encore à découvrir. Un conférencier chinois l'utilise pour détecter ses étudiants s'ennuient et la technique fonctionne très bien. Donc le professeur en question n'utilise pas cette technologie pour fliquer ses étudiants, très français comme expression, et pour les punir par la suite, mais non pour déterminer si ceux-ci sont stimulés par le sujet du jour. Selon les résultats de son système, l'homme peut ainsi corriger en direct ou a posteriori pour rehausser l'intérêt global. Interrogé par The Telegraph, le conférencier Wei Yang expliquait, je cite, « Lorsque vous corrélez ce genre d'informations avec la manière dont nous enseignons et que vous replacez cela dans le temps, vous pouvez savoir si vous captez vraiment l'attention des étudiants. Ensuite, vous pouvez vous demander si c'est un bon moyen d'enseigner ce contenu précisément ou si ce contenu est vraiment adapté aux étudiants de cette classe. » Une approche technologique, évidemment, mais qui offre le potentiel d'améliorer sensiblement l'enseignement, oui, dans sa globalité. Mm-hmm. Ensuite, le logiciel qui sait si vous cherchez à changer de travail, un peu dans le même domaine. Les personnes qui cherchent à changer de travail font bien attention à être le plus discret possible pour ne pas mettre au courant leur employeur actuel. En tout cas, une start-up américaine propose une solution aux entreprises qui veulent savoir lequel ses employés ou lesquels sont sur leur départ. L'entreprise a mis au point un logiciel qui analyse les données des employés disponibles publiquement sur les réseaux sociaux ou en achetant ces informations auprès d'entreprises spécialisées. Elle établit ensuite un J-score, un nombre qui quantifie le niveau d'activité d'un employé par rapport à la recherche d'emploi. Plus l'individu commence à suivre les comptes Twitter d'entreprise, plus il clique sur des liens en rapport avec l'écriture de CV ou d'emploi ou l'emploi sur son fil Facebook, plus il fait de connexion professionnelle sur LinkedIn, plus son score sera haut. Joby Rate ne voit pas l'activité sur les réseaux. C'est vraiment le pire nom au monde. C'est comme Job avec E. R-A-T-E, Joby Rate, en tout cas. Ne voit pas l'activité sur les réseaux sociaux quand celle-ci est définie comme privée, assure l'un des cofondateurs Michael Bigelman au Washington Post. Elle ne surveille pas non plus l'activité sur les moteurs de recherche. Je cite, « La société est en mesure de quantifier beaucoup de choses à propos des événements de la vie des gens, mais il y a une chose dont nous ne disposons pas encore de beaucoup d'éléments, l'activité de recherche d'emploi. Jusqu'à maintenant, chaque fois que quelqu'un démissionne, c'est un choc. » Le quotidien américain rappelle que les départements de ressources humaines ont de plus en plus recours à des technologies d'analyse des données pour prédire le comportement des employés en analysant le nombre de fois où ils utilisent leur badge pour entrer et sortir du bureau, pour évaluer leur bien-être, ou en mesurant leur temps passé sur les sites sur les sites en rapport avec l'emploi. Hein? Donc on fait attention. Ensuite, la Russie bloque YouPorn et Pornhub et prône le sexe dans la vraie vie. Alors qu'à New York, la municipalité a mis un terme à l'accès illimité à Internet via ses kiosques Wi-Fi. En Russie, ce sont des sites qui se trouvent bloqués dans le viseur, la même cible, le porno. Deux lieux, deux problématiques différentes, mais la même source de problème, les sites pornographiques. À New York, durant 7 mois, les habitants et touristes ont pu profiter d'un Wi-Fi gratuit et illimité émis par des kiosques disposés partout dans la ville, qui devraient compter à terme près de 7500 bornes. Problème, si certains utilisent bien le réseau proposé pour s'orienter, recharger son téléphone ou faire des recherches classiques, d'autres détournent le service à des fins peu scrupuleuses, notamment en regardant des films, dont certains sont interdits aux moins de 18 ans. Link NYC, l'exploitant de ces bornes, avait pourtant prévu quelques pare-feux pour éviter ce genre d'abus, mais visiblement, ils ont vite été contournés. Résultat, si les autres fonctionnalités de ces kiosques restent fonctionnelles, le Wi-Fi est quant à lui coupé jusqu'à nouvel ordre. En Russie, le problème dépasse la sphère publique. Pour intégrer le cadre privé, les autorités ont décidé de bloquer deux sites à contenu pornographique les plus populaires, à savoir Pornhub et YouPorn. Les fournisseurs d'accès ont donc eu ordre suite à la décision de deux tribunaux d'empêcher l'affichage de ces deux sites. Ce n'est pas la première fois que la Russie prend de telles mesures. En 2015, 11 autres sites pornographiques avaient subi un sort similaire afin d'éviter aux enfants russes une exposition à des contenus qui pourraient nuire à leur santé. Cette fois, l'agence gouvernementale de surveillance des télécommunications, Roskomnadzor, incite les internautes russes à rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. La pornographie n'est pas le seul sujet d'inquiétude de la part des autorités russes. Google, Facebook, Wikipédia, Twitter et Reddit ont également fait l'objet de blocages ou de pressions récemment. AdBlock Plus lance maintenant un service de publicité acceptable. Oui, le bloqueur de publicité, le logiciel, le micro-plugiciel, peu importe, a annoncé le lancement d'un service de publicité acceptable pour les éditeurs de contenu. Je cite, AdBlock Plus s'est associé avec le fournisseur de plateforme CombotAg pour construire des Acceptable Ads Platform, une plateforme de publicité acceptable qui laissera les éditeurs et les blogueurs choisir à partir d'une place de marché des publicités présélectionnées à placer sur leur site, selon un communiqué de la société allemande Eyo Dimbici, éditrice de ce logiciel très populaire chez les internautes irrités par les publicités trop intrusives. Donc, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est qu'arrêtez de vous servir d'AdBlock Plus et utilisez AdBlock tout court. Donc, AdBlock Plus est devenue la bête noire des éditeurs de contenu à qui elle fait perdre des revenus associés à la publicité et un sujet d'inquiétude pour les publicitaires et les annonceurs. Ces publicités présélectionnées devront donc passer à travers les mailles du filet pour les internautes qui ont téléchargé le logiciel AdBlock, mais ont autorisé, le passage de ces publicités qui auront été estampillées non intrusives. AdBlock Plus se présente comme le logiciel bloqueur de publicité le plus populaire, avec une présence sur plus de 100 millions de terminaux. AdBlock Plus collaborait déjà, c'est ça l'affaire, c'est que c'est les mêmes qui avaient aussi une liste blanche qui sélectionnait les publicités les moins intrusives déterminées selon leurs propres critères. Ça fait longtemps que je dis AdBlock Plus et c'est croche. C'est croche comparé à AdBlock normal. Les internautes pourront toujours bloquer les publicités qui ne correspondent pas aux critères et pourront supprimer l'option Acceptable Ads complètement s'ils le désirent. C'était le cas avec leur autre option de liste blanche, mais j'aime pas ce genre de logiciel qui se dit être pour bloquer les pubs, mais qui finalement laisse passer les affaires qui font leur affaire pour faire de l'argent. J'aime pas ça. Maintenant, des drones. Un système qui empêche les drones d'être détruits par laser. C'est peut-être fait par AdBlock Plus qui laisse passer des affaires. Les drones représentent assurément l'avenir, mais comme tout, ils peuvent être nuisibles, sans même parler des drones de combat. Certains fabricants d'armes misent alors sur le laser pour les abattre. Et fort logiquement, d'autres spécialistes travaillent sur un système embarqué de défense anti-laser. La société Altis Controls, basée en Californie, croit avoir trouvé la solution idéale. Il s'agit ni plus ni moins que d'un système qui va perturber les lasers qui voudraient se verrouiller sur l'appareil. D'après le patron de Altis Controls, Brian Goldberg, cette solution est une forme permanente de protection dans le sens où elle permet à mal autant de tentatives que subies. Construction de phrases boiteuses. Naturellement, l'homme n'est pas entré dans les détails de cette technologie, mais Helios peut détecter un faisceau laser qui arrive à identifier ses caractéristiques clés comme la puissance, la longueur d'onde, la fréquence de pulsation et la source. Helios peut alors interférer avec celui-ci, probablement en envoyant à son tour un laser de faible puissance vers la source pour que le laser attaquant ne puisse pas accrocher sa cible. Comment nos smartphones seront-ils plus performants grâce aux nanotechnologies? Depuis le début des années 90, les scientifiques rêvent de pouvoir exploiter les propriétés électriques exceptionnelles des nanotubes de carbone pour faire entrer l'électronique dans une ère nouvelle avec amélioration des performances et faible consommation d'énergie. Des chercheurs américains pourraient avoir enfin trouvé un moyen pour y parvenir grâce, encore une fois, aux nanotubes de carbone. Pendant des décennies, le silicium a régné en maître sur l'électronique, mais face aux impératifs du marché et aux limites de la physique, les chercheurs ont appris à plancher sur de nouvelles approches. Parmi elles, les nanotubes de carbone. Et une équipe de l'Université du Wisconsin à Madison annonce avoir produit un transistor en nanotube de carbone près de deux fois plus efficace qu'un transistor en silicium de caractéristiques comme taille et géométrie par ailleurs. Qu'un transistor en silicium de caractéristiques par ailleurs. Ça veut dire quoi? Toutes identiques. Ah, OK, c'est ça. Oui. Ils sont par ailleurs toutes identiques. De quoi espérer augmenter la durée de vie des batteries, accélérer les communications sans fil et démultiplier les vitesses de traitement des ordinateurs ou des smartphones. On rappelle que les transistors ont fait leur apparition sur le marché dans les années 50 et aujourd'hui sont produits par milliards de milliards et se cachent dans chacun de nos appareils électroniques. Un iPhone 6 en contiendrait ainsi quelques 2 milliards. Ce simple chiffre suffit à comprendre l'importance des travaux de recherche en la matière, d'autant qu'en plus de se multiplier, les transistors doivent se faire de plus en plus petits, de moins en moins chers et de moins en moins consommateurs d'énergie. Les nanotubes de carbone, de leur côté, présentent une structure atomique en forme de tube de dimension nanométrique, comme leur nom l'indique, et d'une épaisseur d'un seul atome seulement, qui leur confère des propriétés étonnantes, notamment des propriétés semi-conductrices qui pourraient doper les capacités des transistors à condition de lever quelques verrous technologiques qui empêchent pour l'heure une mise en forme efficace. Aujourd'hui, pour la première fois, des ingénieurs de l'Université du Wisconsin sont parvenus à créer des transistors en nanotubes de carbone qui surclassent leurs cousins en silicium. Leurs performances sont multipliées par 1,9, un ratio qui pourrait être porté à 5. Pour arriver à leur fin, ils ont su franchir l'un après l'autre les obstacles qui se présentaient à eux. Une première difficulté, l'alignement des nanotubes a été dépassé en 2014 lorsque ces chercheurs ont mis au point une méthode d'auto-assemblage par évaporation flottante, qu'on appelle en anglais le Floating Evaporative Self-Assembly. Pour faire un bon transistor, en effet, les nanotubes de carbone doivent être alignés dans le sens voulu et avec un espacement précis. Le procédé développé aux États-Unis est d'ores et déjà opérationnel pour des surfaces allant jusqu'à 1 par 1 pouce. Deuxième difficulté, la présence d'impuretés, car les propriétés semi-conductrices des nanotubes de carbone sont rapidement mises à mal par la présence d'impuretés métalliques. Une seule impureté qui se glisserait dans le transistor pourrait provoquer un court-circuit, diminuant ainsi de plusieurs ordres de grandeur l'efficacité du composant. Alors, les ingénieurs de l'Université du Wisconsin ont fait appel à des polymères pour sélectionner des nanotubes de carbone de manière à réduire le taux d'impureté à 0,01%. Troisième difficulté, le contact avec les électrodes, car si les polymères permettent de nettoyer les nanotubes, un effet recherché, ils forment aussi autour d'eux une couche isolante, qui est un effet non désiré, qui perturbe le contact entre les nanotubes et les électrodes du transistor. Pour éliminer cette couche isolante, les ingénieurs américains n'ont eu d'autre choix que de chauffer les nanotubes dans un four à vide pour un résultat presque au-dessus de leurs espérances. Ça finit bien comme article, fallait finir bien. Long article complexe qui me donne envie d'aller écouter de la musique, n'est-ce pas? Donc on s'en va entendre une pièce de... Kumazon. Une pièce qui s'appelle Pulse Fighter. Une musique d'un artiste de chiptune japonais. Torina, voyons. Voilà. Torina, je m'excuse. Qui vient sortir un album avec Mad Milky Records qui s'appelle AI Complex, qu'on peut écouter sur assemblagerequis.com. Donc la pièce s'appelle Pulse Fighter et on écoute ça à l'instant. MPS, le Mathieu Plante Show, sur C'est fou, 81 FM, juste après ce léger silence. Voilà! We'll be right back. La formation Crying avec la pièce Mother We Share, c'est un cover du groupe Churches. On remplace certains instruments par du Game Boy, mais le reste des instruments, la guitare, la batterie, la voix, si on considère ça comme un instrument, sont tous présents. Allez voir leur enregistrement, c'est capté live sur une vidéo YouTube sur assemblagerequis.com. Maintenant, avant de faire le deuxième bloc de CNX, comme on a le temps aujourd'hui, on écoute des fois pas souvent, c'est une drôle de phrase, on écoute pas autant de chiptunes que j'aimerais entendre dans l'émission. Donc en voici d'autres. Continuons avec une pièce de Knife City sur leur maxi Precious Jewel. C'est la pièce titre Precious Jewel. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur

c'est bon, ça, ça me donne froid dans l'eau. Show Me par Trey Fry sur l'album Trey Fry, c'est en français très frais, là. Trey Fry, la prononciation. C'est sur Data Airlines, l'étiquette. C'est rempli de remix, cet album-là, avec entre autres un de mes artistes, sinon top 1 préféré tous les temps, Henry Home Sweet, et aussi Sabre Pulse, Rob Octopus et Sabotum. Puis c'est vraiment fait là, détail par détail. C'est fait avec deux vieux Game Boy, super genre rétro et en plus très magané. Donc c'est vraiment cool. Show Me par Trey Fry. Toujours au Mathieu Plante Show, et maintenant, ben, c'est la suite de tout à l'heure, la deuxième partie de Cynix. Toujours Cynix, la chronique technologique, informatique et vidéoludique. Tout ce qui est cool, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est extrêmement intéressant. Tantôt, on a parlé de nouvelles du futur. Maintenant, plus des nouvelles génériques sur l'informatique et les jeux vidéo. En ce deuxième bloc, on commence par le iPhone 7. On sait enfin pourquoi Apple a supprimé la prise écouteur. C'est pas juste pour faire de l'argent pour des accessoires à 200$, comme certains cyniques le diraient. Donc, le premier démontage total de l'iPhone 7 montre à quoi est dévolue la place libérée physiquement par la suppression du jack audio. C'est notamment le Haptic Engine qui occupe cette place. Un étrange dispositif dédié au microphone est aussi présent. Depuis la keynote d'Apple le 7 septembre dernier, vous vous demandiez peut-être à quoi a été attribué l'espace gagné en supprimant le port audio 1.8. Réjouissez-vous et préparez-vous une bonne nuit, parce que la réponse est désormais connue, nous dit 01net.com. À cette question brûlante, le site iFixit, spécialisé dans le démontage d'appareils électroniques, a trouvé la réponse. En analysant les entrailles de iPhone 7 Plus, on trouve à la place du connecteur audio un Haptic Engine plus large. Il compense une autre disparition, celle du bouton d'accueil mécanique. Désormais seulement tactile, le bouton simule l'appui par une vibration générée par le Haptic Engine sur toute la partie basse de son appareil pour donner l'impression que tu enfonces le bouton. C'est le même système qui avait fait son apparition en 2015 sur le nouveau modèle de MacBook de la marque ou sur encore l'iPhone 6S. Comme l'année passée, iFixit a passé le Haptic Engine au rayon X afin de nous montrer son fonctionnement. Il s'agit tout simplement d'un poids secoué par deux ressorts placés de chaque côté. Vraiment efficace, nous dit-on, mais en plus vraiment impressionnant technologiquement. Ce démontage montre également quelque chose d'étonnant. À la place de l'ancienne prise jack se trouve désormais sur la coque, une grille qu'on aurait pu croire un haut-parleur. Celle-ci cache en fait une minuscule pièce de plastique moulée qui conduit le son de l'extérieur vers le microphone. La grille de droite cache en revanche bel et bien le haut-parleur habituel, tandis qu'un autre fait son apparition en haut de l'appareil au niveau de l'écouteur pour fournir un effet stéréo lorsqu'on tient l'iPhone à l'horizontale. Ce démontage minutieux montre que la batterie de cet iPhone 7 est de 2900 mAh. Donc on parle de... Je m'excuse, c'est le fond qui... Je sais, j'en parle pas d'habitude de ce qui passe, de ce qui se passe derrière la scène, mais c'est le fond qui me gosse. Je l'utilise jamais, ce fond-là, parce qu'il me gosse royalement quand je m'en sers. Bref, je viens de l'effacer sur ma clé USB. Donc démontage qui nous montre que la batterie de cet iPhone 7 Plus est de 2900 mAh, un mieux par rapport à l'iPhone 6 qui était de 2750 mAh, mais toujours un peu moins bien comparé à l'iPhone 6 Plus qui cachait 2915 mAh. Mais iFixit n'a pas le monopole du démontage. Les équipes de Chipworks ont également mis en pièce un iPhone 7, ce qui leur a permis de confirmer qu'Intel a mis un premier pied dans les iPhones, non pas pour fournir un processeur en remplacement des Apple A, mais plus simplement un modem. La puce est au moins présente dans le modèle A1778 qui correspond au iPhone 7 disponible aux États-Unis, entre autres. Justement, parlant de iPhone 7 et de prise écouteur, exhumée de YouTube suite à l'annonce de la décision d'Apple de supprimer la prise écouteur de ses nouveaux iPhones, cette vidéo dans laquelle Steve Jobs parle de courage nous est apparue plus que jamais d'actualité, dit HubertGizmo.com, à croire que la firme de Cupertino n'a en fait jamais bougé sur sa politique en matière d'innovation. Lors de la présentation des iPhone 7 et 7 Plus il y a deux semaines de ça, le vice-président en marketing d'Apple n'a pas hésité à parler de courage en évoquant la suppression de la prise jack de ses nouveaux smartphones. Plus précisément, voici les mots tels qu'ils ont été prononcés par l'homme lui-même sur la scène du Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco le 7 septembre dernier. Je cite, « Le courage d'avancer, de proposer quelque chose de nouveau qui nous rend meilleurs, et notre équipe fait preuve d'un courage fabuleux. » Un courage d'ores et déjà évoqué par un certain Steve Jobs en 2010, lorsque ce dernier décida de ne pas supporter la technologie Flash sur le iPhone. À l'époque, les propos étaient les suivants, je cite, et là, imaginez-moi qu'un col roulé puis des souliers New Balance. Nous essayons de développer d'excellents produits pour les gens et nous avons au moins le courage de nos convictions lorsque l'on décide de laisser de côté ce qui est de notre avis ne fait pas une bonne technologie. Certaines personnes ne vont pas apprécier, d'autres vont peut-être même nous insulter, mais nous allons l'accepter car nous voulons réaliser les meilleurs produits du monde. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'on embarque dans le futur avant que le futur soit arrivé. Hein? Et comme Jobs laissait entendre, si le public décide que l'idée d'avoir supprimé la prise de jack et des nouveaux iPhones est ridicule, il ne suivra pas Apple sur son chemin et les iPhones 7 et 7 Plus seront des échecs, ce qui ne sera visiblement pas le cas. Mais sauf surprise, ça ne devrait pas, c'est ça, ça devrait pas être le cas. C'est ça. Et de toute façon, la prise jack va éventuellement mourir. On a parlé dans un autre article, je l'ai pas gardé pour la chronique, manque d'envie d'en parler, que le Samsung Galaxy 8, peu importe, n'aurait pas non plus de prise écouteur. C'est la force, c'est que les gens chialent sur les prises USB 3. Vu qu'on passe à l'USB-C, mais finalement, bon, ils finissent par l'accepter. Même chose pour différentes prises. Le FireWire, les gens s'en sont plaints pendant un bout de temps. On finit par s'habituer, et de toute façon, le futur est sans fil. C'est comme ça, on parle juste au futur avant même que le futur se présente à nous chez Apple. Et c'est pas juste pour être un fanboy, parce que je peux les critiquer sur bien les affaires, Apple. Mais bon, dans ce cas-ci, je suis content. Un simple, je vais vraiment avoir l'air de bâcher sur Android parce que je l'ai mis juste après celui-là par exprès, mais un simple JPEG peut pirater votre smartphone Android. Un chercheur a trouvé une faille critique dans la gestion des données EXIF, permettant d'infecter le terminal sans aucune action de l'utilisateur. Une autre faille critique a été détectée dans la conversion de caractères Unicode. Les deux exploits ont été colmatés depuis. Google vient donc de combler deux failles particulièrement critiques sur Android, comme on peut le voir dans un dernier bulletin de sécurité Android. La première a été trouvée par Tim Strasser, un chercheur en sécurité de la société SentinelOne. L'envoi d'une simple image JPEG sur un client email ou sur une messagerie instantanée suffit pour l'exploiter et, le cas échéant, exécuter du code arbitraire. La faille se trouvait au niveau de la librairie EXIF Interface, utilisée pour accéder aux métadonnées EXIF des images. Tim Strasser a pu le vérifier pour les applications Gmail et GChat, l'application de messagerie instantanée de Google. Pour provoquer l'infection, aucune action de l'utilisateur n'est requise. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur l'image ou de toucher la pièce jointe. Il suffit d'ouvrir l'email, l'email comme je l'appelle, expliqué auprès de threadpost.com. Cette vulnérabilité affecte toutes les versions Android supérieures à 4.2. Elle fait beaucoup penser à la fameuse faille Stagefright de juillet 2015 qui permettait de pirater un smartphone Android par l'envoi d'un simple MMS. La seconde faille critique a été trouvée par Mark Brand, un ingénieur de Google Project Zero. Elle se trouvait dans une librairie appelée libutils qui permettait, le cas échéant, l'exécution de codes arbitraires ou l'élévation de privilèges. Le problème se situait plus précisément au niveau d'une fonction qui gère la conversion de chaînes de caractères Unicode et qui est utilisée dans de nombreuses autres librairies. La surface d'attaque est donc potentiellement assez large et peut couvrir tous les terminaux Android, comme le souligne Mark Brand dans une note de blog. Il faut juste trouver un vecteur d'attaque, c'est-à-dire une application qui utilise à un moment donné cette fameuse conversion Unicode, puis faire en sorte qu'elle tombe sur une chaîne de caractères susceptible de provoquer le bug. À titre de démonstration, Mark Brand a réalisé une exploitation de cette faille en s'appuyant sur les métadonnées ID3 d'un fichier MP3. Google a colmaté ces deux failles critiques ainsi que 17 autres moins importantes dans une mise à jour d'Android. Pardonnez-moi. Je suis pas dans le micro d'habitude. Le problème, comme toujours, c'est que cette mise à jour peut mettre du temps à se diffuser auprès des utilisateurs. C'est le gros désavantage d'Android, c'est qu'il faut attendre les fournisseurs, les concessionnaires de téléphones pour distribuer tout ça. Tout dépend de la vélocité du fabricant et ou de l'opérateur. Voilà. Il est donc fort probable que des millions d'utilisateurs soient toujours à l'heure actuelle vulnérables à ces deux failles. C'est l'avantage de iOS où Apple contrôle tout. Ça a des désavantages et des avantages. Maintenant, parlons de jeux vidéo. Universal Emulator n'aura décidément pas fait long feu sur la boutique d'applications de Microsoft. Un émulateur conçu pour Windows 10 et permettant de charger des ROM, ça c'est des images de jeux vidéo, donc des copies en fichier numérique, de jeux Sega et Nintendo, s'est vu supprimé parce qu'il a voulu se frayer un chemin sur Xbox One. C'est donc pas demain la veille qu'on verra la console de salon se transformer en bécane de choix pour les retro gamers. Pensée pour fonctionner sur les ordinateurs et smartphones sous Windows 10, compatible avec HoloLens, le casque de réalité virtuelle, le nouveau pad de la Xbox One S et même avec la fonction Continuum de Microsoft, Universal Emulator vient d'être supprimé de la boutique d'applications de Microsoft. Son développeur a en effet poussé le vice jusqu'à demander une sortie de leur solution sur la Xbox One, ce qui aurait permis de lancer des titres tirés des ludothèques de Nintendo et de Sega sur la console de jeu. Pour sa défense, Microsoft a expliqué que l'émulateur ne respectait pas les règles du programme ID at Xbox, mais qu'il était en plus à classer dans la catégorie jeu et non programme, de quoi faire en sorte d'invalider l'émulateur et le renvoyer à ses plateformes d'origine, donc Windows 10, PC, mobile et HoloLens. Ceci étant dit, l'émulateur NESBox permettant d'uploader des ROM de NES via USB sur la Xbox One pourrait prochainement se retrouver sur la console en s'infiltrant par le navigateur, le furteur Edge, intégré à la console. Et si c'était ça la solution, que de passer par des navigateurs web. Et une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, une Super Nintendo dotée de Raspberry Pi qui devient le Saint Graal des rétro gamers. On reste dans le même domaine. C'est très apprécié donc, par la communauté des rétro gamers. Et pour cause, le Raspberry Pi. Cet ordinateur super pas cher, mais pourtant sacrément capable, nous dit ubergizmo.com, qui vient de se voir intégré dans les entrailles d'une réplique taille extra small de Super Nintendo. Et le résultat est vraiment super cool. La console 16 bits de Nintendo n'a jamais été très puissante, mais maintenant elle est relevée par la présence en son sein, c'est un bon exercice de diction, de Raspberry Pi Zero. La machine, ou plutôt sa minuscule réplique, désormais rebaptisée Super NES Micro, va être en mesure de lire n'importe quel ROM de jeux vidéo rétro depuis son lecteur de carte SD et donc de contenter les amoureux du jeu vidéo à l'ancienne. Cette solution prônant l'émulation est évidemment dotée d'une sortie HDMI vous permettant de l'utiliser sur un téléviseur récent HD. Dommage donc que cette réalisation soit en fait unique, réalisée à la main, elle se dévoile au travers d'une vidéo publiée sur YouTube par son créateur, mais il n'y aura rien du tout qui vous empêche de le faire vous-même. Même dans une boîte qui n'aurait pas de Super Nintendo, d'apparence Super Nintendo, vous pouvez faire ça relativement facilement avec un Raspberry Pi qui se procure pour genre une trentaine, quarantaine de dollars sur Internet. Voilà pour la section CNX, deuxième partie, celle sur l'informatique et les jeux vidéo. Allons-y avec le palmarès des jeux les plus loués en club vidéo. Position numéro 9, parce que oui, le numéro 10 a disparu apparemment. Donc c'est Madden NFL 2017 sur PS4. En 8e, Dead Rising sur PS4. En 7e, Bioshock The Collection sur Xbox One. En 6e, Record sur Xbox One. 5e, Bioshock The Collection sur PS4. En 4e, NBA 2K17 sur Xbox One. En 3e, le même jeu sur PS4. En 2e place, NHL 17 sur la Xbox One. Et en 1ère place, c'est encore une fois NHL 17 sur la PlayStation 4. Voilà, c'est tout pour ça. Une dernière petite pièce de musique chiptune. Après ça, on revient avec la conclusion de l'émission. Et une dernière pièce. Oui, c'est le plan. C'est notre destinée. Donc voici Hello World sur l'album... Attention, c'est l'album Hello World 2. Data 037 par l'artiste Hello World. Et la pièce s'appelle Honeybee. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. 89.1 FM. Ouh. C'était Hello World avec la pièce Honey Bee sur l'album Hello World 2 Data 037. J'adore les cloches d'église en milieu et là. Finalement, il y en a à la fin aussi. C'est génial, j'adore ça. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Plante Show pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis de 15h à 17h. On rappelle, les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec une pièce du groupe que j'adore, YMCK. C'est passé à ça d'être ça, le groupe qui faisait la chanson tête du Mathieu Plante Show, mais j'ai choisi Anna Malaguchi. Bref, une pièce de YMCK qui se nomme, est-ce qu'elle a un nom cette pièce-là? C'est sur leur album Family Dancing. Et la pièce elle-même s'appelle 52 Futures. Voilà, à la semaine prochaine. Automatique s'en vient pour les auditeurs du mercredi. Bye bye.